suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, depuis Lucie, 3 millions d'années d'humanité, une série de Franck Bessière réalisée par Assia Khalid. Au départ de cette série, il y a des fossiles, des os et cette question, comment l'être humain est-il devenu ce que nous sommes et surtout, comment peut-on imaginer son évolution future? Alors pour commencer, les personnages. Un ingénieur qui spécule, un préhistorien qui redoute, un philosophe qui critique, un autre qui explique, un neurologue qui décode, un paléo-anthropologue qui ne sait pas, une généticienne qui constate et un auteur qui rêve. Ensuite, le décor, des oiseaux, des gènes, des objets connectés, des capacités, des cyborgs, des utopies, le transhumanisme, l'eugénisme, le cortex, la connaissance et l'évolution. Aujourd'hui, 4e épisode, on imagine le futur. L'avenir de l'humanité, je n'en sais pas plus que vous. Mais encore une fois, je suis optimiste, j'aime beaucoup l'humanité et je crois en elle. Yves Coppens. Et je vais vous dire, c'est normal qu'on ait peur. Et l'humanité, je la vois transformée, bien entendu, de façon qui ne peut qu'inquiéter. Hein. Puisque aujourd'hui, on accède à la molécule, on accède à l'ADN, on accède à l'atome. Et on peut trafiquer là-dessus. D'où l'importance de l'éthique et d'où la difficulté du contrôle de cette éthique parce que nous en sommes responsables. Et c'est une nouveauté hein, dans l'histoire de la vie. Mais je ne suis pas gêné par... Le fait qu'il y ait des clones, le fait que l'homme soit augmenté, qu'il ait des capacités qui soient sous un bon contrôle, c'est facile à dire, hein. Mais transformé, ça ne me fait pas peur. La Riviera, c'est là où j'ai été conçu. Rien à voir avec la Riviera en France. On disait qu'un enfant conçu dans l'amour avait une plus grande chance d'être heureux. C'est une chose que l'on ne dit plus. Je ne comprendrai jamais ce qui a poussé ma mère à placer sa confiance dans les mains de Dieu plutôt que dans celle de son généticien local. 10 doigts, 10 orteils, c'est tout ce qui a porté autrefois. Plus maintenant. Le jour où je suis né, alors que je n'étais âgé que de quelques secondes, le moment exact et la cause de ma mort étaient déjà connus. Affection neurologique, 60% de probabilité. Psychose maniaco-dépressive, 40% de probabilité. Hyperactivité, 89% de probabilité. Trouble cardiaque, 89% de probabilité. Risque de mort prématurée. Espérance de vie, 30 ans et 2 mois. 30 ans. Depuis Lucie, l'humain de demain. Nous avons aujourd'hui la chance de connaître notre histoire, et même on l'a vu précédemment, notre préhistoire. Nous avons la chance unique de pouvoir prendre du recul sur nos erreurs. Zoonose, démographie, surconsommation, destruction du vivant. Ce qui n'était pas encore le cas il y a seulement 200 ans. Saurons-nous tirer profit de nos expériences du passé? Et puis le transhumanisme, l'intelligence artificielle, allons-nous vivre de véritables scénarios de science-fiction? Que savons-nous de cet humain de demain? Pourriez-vous imaginer la journée type d'un étudiant ou d'une étudiante en 2057? La journée type d'un étudiant parisien en 2057. Luc Julia, co-créateur de Siri. Et donc, on va partir de la journée dès le départ, hein. Alors, sans faire beaucoup de science-fiction, parce que franchement, ce que je vais vous raconter là, c'est un peu ce qui se passe dans ma maison aujourd'hui, hein. J'ai 212 objets connectés qui sont là pour travailler ensemble, pour se mettre ensemble, pour interagir, afin de délivrer des services, entre guillemets, intelligents. En 2057, on part du principe qu'on sera arrivé entre +2 et +5 degrés de température, comme prédit. Mathieu Babier. auteur de science-fiction. L'énergie fossile sera réservée aux riches et que peut-être on se sera débarrassé de du capitalisme et de toute la société néolibérale. Donc la journée type, ça va être, ben, évidemment, le matin, il se réveille, hein, après une bonne nuit de sommeil qu'il a eue grâce à certainement une étude de son corps et de sa physiologie pour qu'il se soit endormi correctement à la bonne heure et tout ça. Le réveil type, il se ferait à la campagne avec le son des oiseaux. Je pense que tout le monde serait revenu à un mode de vie à la fois plus simple et à la fois plus collaboratif, où il faudrait probablement bosser dans les champs pour parce que l'autonomie alimentaire elle s'acquiert, elle se défend à cette époque, alors qu'aujourd'hui on se pose pas la question. Il s'est réveillé évidemment de la façon la meilleure, sans avoir une grosse alarme qui crie, mais en prenant compte de son cycle du sommeil, avec une lumière qui recrée une atmosphère d'un lever de soleil, etc. Au moment où il se lève, toutes les informations dont il a besoin s'affichent soit sur son miroir dans la salle de bain pour pouvoir savoir où il en est, quelle est sa journée, son emploi du temps, et puis quelles sont les news du monde. Avec, évidemment, quand il est en train de regarder dans son miroir, la prise de température, prise du pouls, un check-up permanent, en quelque sorte. Et puis après ça, évidemment, tout ce qui est petit déjeuner et repas, ça va être déjà prévu la veille. Peut-être que c'est imprimé, le repas d'ailleurs, sur une imprimante 3D. Hein. C'est pas en fait quelque chose de très très compliqué. Là, il est prêt à se rendre à l'université. Ben, il part évidemment avec une voiture autonome qui vient le chercher au bon moment devant chez lui, l'amène au bon endroit. Il y a pratiquement pas de trafic, hein, parce que tout est régulé correctement entre les voitures elles-mêmes, parce qu'elles se parlent afin d'éviter les bouchons et d'éviter les choses comme ça. Donc tout est vraiment optimisé. Ça peut faire peur aussi, hein. Il faut comprendre qu'on a le choix à n'importe quel moment. On aura le choix en tant qu'individuel, mais on aura le choix aussi en tant que société de décider ce qui est bien et ce qui est pas bien et ce qui est trop intrusif potentiellement. L'école serait quelque chose de très collaboratif, absolument pas hiérarchisé, qui aurait beaucoup moins d'institutions. Et voilà, et puis les gens feraient beaucoup plus d'art, parce qu'ils auraient du temps libre, vu que le travail n'existerait plus. Évidemment, le professeur lui-même est assisté par des écrans holographiques, certainement 3D, qui permettent de montrer encore mieux ce dont il est en train de parler. Je vous passe le déjeuner, les heures d'études, etc., qui sont effectivement là où on est obligé toujours d'aller fouiller dans notre cerveau et dans notre propre intelligence pour pouvoir la développer. On est la seule espèce qui intervienne directement sur son évolution avec la médecine. Jean-Paul Demoule, archéologue préhistorien. Par exemple, avant, les myopes étaient quand même défavorisés, ils rataient leur cible, ils ne voyaient pas le mammouth arriver. Maintenant, les myopes survivent, en plus ils se reproduisent entre eux. Donc on a toute une série de phénomènes grâce à la médecine, mais avec des aspects négatifs comme l'élimination des filles grâce à, si j'ose dire, à l'échographie dans certaines civilisations. Donc on est capable d'intervenir, donc on n'a plus les moyens de savoir ce que auraient donné les humains autrefois. D'autre part, bon, là je dis un peu des banalités, mais il est évident qu'avec le développement de toutes les techniques, de l'informatique au sens très large, de l'humanité augmentée, etc., on est de plus en plus débordé aussi par nos techniques. J'essaie de rester optimiste, mais j'ai du mal, par exemple, à imaginer qu'il n'y aurait jamais une société dictatoriale qui effectivement se livrerait à des manipulations génétiques pour créer des soldats ou des policiers augmentés et sans aucun état d'âme. L'humanité de demain, je pense qu'elle... Ça sera un peu comme toutes les sociétés qu'on a traversées, où certaines ont été horribles et d'autres meilleures. Et ça va dépendre à chaque fois de ce que les humains pourront faire par rapport au contrôle, cette fois, de la technique. Même s'il y a effectivement toutes sortes de raisons d'être pessimiste sur les méthodes de contrôle qui ne cessent de se perfectionner. Donc l'homme futur ne sera absolument pas ce qu'on envisage, c'est-à-dire à la manière de Robocop, équipé de puces minuscules, le cerveau boosté, ou bien les gènes modifiés par toutes sortes de trafics dus au ciseau génétique qu'on appelle le CRISPR-Cas9. Dominique Folchade, philosophe. Et donc, lorsque vous imaginez de booster un cerveau, ou de créer un troisième œil derrière, il va y avoir incompossibilité avec son harmonie ambiante, c'est-à-dire les excès de capacité dans un sens rendent la vie impossible. Donc, exister de manière surperformante, c'est impossible pour l'humain. Alors l'erreur, d'où vient l'erreur? C'est l'idée d'augmentation. L'idée d'augmenter l'homme, par exemple de le faire vivre plus longtemps, c'est bien gentil, mais il y a deux types d'augmentation. Il y a ce que j'appelle l'augmentation négative, c'est-à-dire celle qui permet de gagner encore de la marge par rapport aux capacités que la nature a données à l'homme. Là, par exemple, on peut effectivement penser qu'on pourra vivre jusqu'à 110-120 ans. Mais après, les télomères, c'est-à-dire ce qui est au bout des gènes, ben, ils vont être usés et c'est impossible d'aller plus loin. Question subsidiaire, est-ce que cette augmentation, faisant de nous tous des sortes de Jeanne Calment, va être existentiellement supportable? Deuxième type d'augmentation, c'est celle qu'adopte la plupart des transhumanistes, c'est ce que j'appelle l'augmentation positive, c'est-à-dire on passe les limites. Mais pour passer les limites, ben, il faut reprendre. Alors, reprendre l'homme, et là on peut le faire de deux manières. Si vous voulez, il y a deux grandes façons de se dire voilà l'homme futur. La première consiste à dire, l'homme n'étant qu'une machine, on va suréquiper la machine. Mais qu'est-ce que ça va donner? Ben, ça va donner une suranimalisation de l'homme. C'est-à-dire, il sera plus costaud, plus ceci, plus cela, c'est Robocop, si vous voulez. Et puis, la deuxième formule consiste à dire, non, non, le corps est une impasse. On ne pourra jamais avoir des surcorps de façon à obtenir des êtres, ou alors c'est au cinéma. Alors, au cinéma, on peut le faire. Et donc, il faut déserter le corps. Et c'est la deuxième grande façon que les transhumanistes ont d'envisager un homme futur. Abat le corps. Et d'ailleurs, pour cela, il faut se détacher de la nature. Et pour se détacher de la nature, il faut numériser. Vous voyez, le dernier avatar, si vous voulez, de l'idée « tout est machine », c'est « tout est numérisable ». Le Terminator est programmé pour s'infiltrer et tuer moitié homme, moitié machine. Son squelette est un mécanisme de combat hyper sophistiqué, mu par une chaîne de microprocesseurs, invulnérable et indestructible, mais entièrement recouvert de tissus humains. Chair, peau, sang, il fait partie du groupe des cyborgs. On va laisser cette voiture. La série précédente avait une peau synthétique. Ils étaient faciles à repérer. Mais pas lui. Il est comme un être humain. Il transpire, parle même comme toi et moi. On s'y tromperait. Écoute, j'ai peut-être l'air stupide, mais des êtres comme ça, ça n'existe pas encore. C'est vrai. Pas avant 40 ans. Tu veux dire qu'ils existeront dans le futur? Je sais que tout ça doit te paraître étrange, mais je ne peux pas t'expliquer. Tu vas aussi prétendre que tu es un homme du futur. Exact. C'est quoi le transhumanisme? Le transhumanisme, en réalité, est une mouvance assez diverse avec des extrémistes, avec des modérés, avec des inconscients, beaucoup de gens qui fantasment. Et si on en fait une histoire rapide, je dirais que la première trace est dans un mythe grec, qui est le mythe du fondateur de la médecine, Asclépios, qu'on a appelé Esculape en latin, qui est un demi-dieu, fils d'Apollon et d'une mortelle, et qui a eu la funeste idée de vouloir ressusciter les morts. La deuxième grande étape, c'est le début du XVIIe siècle. On a un texte fondateur, qui est celui de Francis Bacon, philosophe, qui a écrit une utopie qui s'appelle « La Nouvelle Atlantide », dans laquelle il nous fait pratiquement le programme du futur transhumanisme. Et si on compare avec les textes du transhumaniste en chef aujourd'hui, Ray Kurzweil, qui est l'ingénieur en chef de chez Google, on a une similitude dans les propositions qui est tout à fait hallucinante. Et si on regarde les textes des transhumanistes actuels, ils sont tous dans l'idée « tout est machine ». L'univers est machine, la vie est machine, et par conséquent, on a tout pouvoir. Mais il y a une limite. La médecine n'accède pas au psychique, elle n'accède que très peu aux maladies fonctionnelles, et puis, à considérer l'homme comme étant exclusivement une machine, on vire tout de suite à l'inhumanité. Donc les fondements, c'est le XVIIe siècle. Mais ensuite, l'histoire récente, c'est l'apparition du mot chez un polytechnicien qui s'appelait Jean Coutreau. Jean Coutreau a pu fonder une association en 1941, donc sous Vichy, qui cherchait, disons, à améliorer la population française. Ce n'était pas du transhumanisme, mais à l'intérieur de ce groupe, il y avait le jésuite Teilhard de Chardin, il y avait un scientifique qui est le frère d'Aldous Huxley, qui se nomme Julian Huxley, et donc ces personnages, avec quelques autres, ont, à partir de textes méconnus de Teilhard de Chardin, qui était dans une sorte de délire christo-scientifique, si vous voulez, chrétien scientifique, et c'est lui qui a dit « il faut qu'on aille vers une sorte de transhumanité ». Et donc, très logiquement, Jean Coutreau en a tiré le vocable de transhumanisme. Et juste après la guerre, c'est-à-dire en 1945-1946, Julian Huxley, dans un livre qui a été publié ensuite en 1951, vu les horreurs nazies, où l'eugénisme était devenu une industrie, massacre à l'appui, extermination par la Shoah, extermination des tziganes, extermination des malades mentaux, enfin. Et Julian Huxley a dit, l'eugénisme classique qui a été industrialisé par les nazis ne peut plus passer. Mais l'eugénisme est une excellente idée. L'eugénisme est une excellente idée, mais que l'opinion ne pourra plus recevoir. Donc je propose, pour que ça soit clair, de remplacer le mot eugénisme par transhumanisme. Comme la plupart des parents de leur époque, ils avaient décidé que leur prochain enfant viendrait au monde grâce à ce qui était devenu la méthode naturelle. Les ovules qu'on vous a prélevés, Marie, ont été fécondés avec le sperme d'Antonio, votre mari. Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec deux garçons sains et deux filles très saines. Naturellement, pas de prédisposition à aucune des plus graves maladies héréditaires. Il ne reste plus qu'à choisir le candidat le plus compatible. Tout d'abord, nous pouvons choisir le sexe. Y avez-vous réfléchi ? Oh, nous voudrions que Vincent ait un petit frère pour jouer avec lui. Bien sûr, ça va, Vincent ? Bien, vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux châtains et la peau claire. J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiel tel que calvitie prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence, obésité, ce genre de choses. Nous ne voulons pas qu'il ait des maladies, certes, mais... Oui, nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au hasard. Vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible ? Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous. Simplement le meilleur de vous. Le post-humanisme, c'est ce mouvement de pensée qui vise donc à améliorer l'humain par hybridation avec les machines. Alors il y a des Marc Lignadi, philosophe. Il y a des tendances assez diverses au sein même du post-humanisme, mais disons que la pointe extrême du post-humanisme vise à abolir notre mortalité. Je tiens à préciser que personnellement, je trouve que ce mouvement repose énormément sur une supercherie, parce qu'il faut savoir que tous ces gens qui nous parlent de la vie, de la mort, de la souffrance, de l'abolition de la maladie, qui nous parlent donc des sciences du vivant, sont pas du tout des scientifiques du vivant. Ce sont des industriels, ce sont les grands industriels du numérique, ce sont des ingénieurs des matériaux. Donc déjà, au départ, il y a une supercherie fondamentale qui joue sur la fascination que peuvent susciter ces thèmes auprès du grand public. Mais donc, il faut savoir qu'en réalité, ces gens ne savent pas véritablement de quoi ils parlent. Néanmoins, le post-humanisme est un mouvement qui a son intérêt, je dirais, au niveau au deuxième degré, c'est-à-dire comme symptôme de quelque chose, comme symptôme de notre société. Il joue un peu comme un miroir grossissant, notamment parce qu'il est en phase, premièrement, avec le marché. D'ailleurs, le post-humanisme en tant que tel, on peut se demander de quoi est-ce qu'il est l'utopie, hein ? Est-ce qu'il est une utopie humaniste ? Je ne le pense pas, puisque finalement il vise à abolir l'homme. Est-ce que c'est une utopie techniciste ou technicienne ? Je ne le pense pas non plus. Je pense qu'en réalité, c'est une utopie du marché. Il s'agit vraiment de marchandiser le vivant, mais il est aussi en phase avec ce qu'on appelait le solutionnisme technologique, c'est-à-dire cette attitude qui fait qu'à chaque problème, on va trouver une solution technique. Il est en phase avec l'individualisme de notre temps, et puis il est aussi en phase globalement avec nos modes de vie selon lesquels, au fond, nous subissons une emprise technologique sans avoir notre mot à dire. Depuis la nuit des temps, on crée des outils, qu'ils soient numériques ou pas, c'est franchement seulement, par définition même, pour augmenter nos capacités, pour faire en sorte que ce qu'on pouvait pas faire avant, ou ce qu'on faisait pas très très bien avant, ou pas assez vite avant, ben on va le faire mieux avec ces outils-là. Évidemment, je suis un optimiste sur la technologie, et je pense que la technologie, encore une fois, est là pour nous aider, est là pour libérer du temps, est là pour libérer quelques contraintes qu'on puisse avoir avec notre cerveau, et du coup, de pouvoir avoir plus d'interactions sociales, parce que contrairement à ce qui se passe et ce qui s'est passé un peu dans les années précédentes, je ne pense pas que l'ordinateur soit fait pour faire ces interactions soi-disant sociales des réseaux sociaux, mais je pense que ça va nous permettre de libérer du temps pour vraiment parler aux autres et être plus avec la famille, les amis, etc. Donc de libérer du temps pour ça, et je pense aussi que ça va libérer du temps pour nous, pour augmenter encore nos capacités en prenant un bon bouquin, en lisant, en s'informant sur des choses qui sont aussi des choses du quotidien. Et donc finalement, je veux pas faire de différence entre ces outils numériques dont on parle aujourd'hui par rapport à ces outils même préhistoriques qui ont été inventés, hein, la flèche, le javelot, etc. Je veux dire, c'est la même chose. Il y a peut-être la différence essentielle, ça va être une accélération, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'outils qui sont certainement créés parce que l'humanité est peut-être plus éduquée justement maintenant, et donc ça permet de voir des outils émerger de plein d'endroits différents à une vitesse beaucoup plus importante que l'évolution qu'on a pu voir dans l'évolution du couteau ou de la lance. Mais fondamentalement, c'est la même chose. Et fondamentalement, cet apprentissage de l'utilisation des outils se fait par l'exemple. Alors je ne sais pas exactement quand a été inventée la première lance, mais je suis sûr que quand ça a été fait la première fois, c'était pas pour tuer le voisin. La première fois, c'était pour tuer le mammouth ou pour tuer l'animal qu'on devait manger. Et donc après, oui, il y a eu des dérives. Ces dérives, elles ont été constatées. Et il y a eu des, encore une fois, alors, je ne sais pas si on peut appeler des lois à ce moment-là, mais la société se forme en fonction de la réalisation de l'utilisation de ces outils. Cells. Cells. Have you ever been in an institution? Cells. Cells. Do they keep you in a cell? Cells. Cells. When you're not performing your duties, do they keep you in a little box? Cells. Cells. Interlinked. Interlinked. What's it like to hold the hand of someone you love? Interlinked. Interlinked. Do they teach you how to feel finger to finger? Interlinked. Interlinked. Do you long for having your heart interlinked? Interlinked. Interlinked. Do you dream about being interlinked? Interlinked. What's it like to hold your child in your arms? Interlinked. Interlinked. Do you feel that there's a part of you that's missing? Interlinked. Interlinked. Within cells, interlinked. Within cells, interlinked. Why don't you say that three times? Within cells, interlinked. Within cells, interlinked. Within cells, interlinked. Within cells, interlinked. We're done. Thank you, sir. Le cerveau humain, au départ, a des structures profondes qui l'ont aidé à survivre, notamment en réalisant un certain nombre de comportements liés à la survie, comme le fait de se nourrir, le fait de se reproduire, le fait d'essayer d'acquérir du pouvoir dans un groupe. Sébastien Moller, docteur en neurosciences. Maximiser la capture d'informations dans l'environnement ou de minimiser nos efforts. Et tout ça est quand même codé dans des structures très profondes de notre cerveau, qu'on appelle des structures sous-corticales, qui sont très anciennes, qui nous ont été léguées par des formes de vie bien plus anciennes que les premiers hommes, hein. Déjà il y a des centaines de millions d'années, et qui font qu'on va rechercher ces comportements de façon totalement instinctive et qu'on continue à les rechercher. et que c'est récompensé par notre cerveau, par un système qui s'appelle le système de récompense, avec cette fameuse zone du cerveau qui s'appelle le striatum, et qui, depuis des millions d'années, nous récompense avec du plaisir sous forme d'une molécule qui s'appelle la dopamine à chaque fois qu'on réalise ces comportements de base qui consistent à se nourrir, se reproduire, acquérir du pouvoir, de l'information et minimiser nos efforts. Et tout ça, c'est quelque chose avec lequel on est arrivé sur la scène du vivant, nous, les humains, et nous avons eu une destinée particulière liée au développement aussi de notre cerveau, à une partie de notre cerveau, qu'on appelle le cortex cérébral, qui nous a donné ce que d'autres formes animales n'avaient pas, la capacité de conceptualisation, d'inventer des outils, des technologies, de planifier l'action, de coopérer, et donc de développer des technologies qui, peu à peu, nous ont permis de satisfaire toujours plus ces cinq grands besoins fondamentaux qui ne venaient de l'aube des temps, de notre striatum, de notre système de récompense. Et la conséquence de ça, c'est que quand on a inventé les techniques d'exploitation de la terre et de l'animal, l'agriculture intensive, l'élevage intensif, les OGM, on n'a fait que nourrir en boucle ce besoin, par exemple, de nourriture, et que ces besoins n'étant pas faits pour être limités au départ, parce que ça nous aurait desservi hein, dans des milieux de rareté, au paléolithique, eh bien, ils se jettent sur tout ce qu'ils peuvent prendre aujourd'hui. Et nous, notre nature pulsionnelle vis-à-vis de la nourriture, par exemple, confronté à une offre pléthorique liée à l'industrie agroalimentaire, fait de nous, en fait, soit des personnes en surpoids, en alimentation compulsive, la société de pléthore et l'obésité qui se développe sur tous les continents. Et ça, on ne le maîtrise pas, parce que simplement, on est venu, comme ça, à l'époque où nous sommes, avec des désirs illimités qui, d'un seul coup, peuvent être comblés par une offre technologique sans limite, lié au développement de notre cortex cérébral. Et c'est la même chose pour les autres besoins. Je sais pas, on a parlé du besoin de se nourrir, mais pour le sexe, c'est pareil. Aujourd'hui, on consomme des milliards de vidéos pornographiques chaque année. Ça libère des tonnes de gaz à effet de serre. Et c'est pareil pour notre besoin de statut social, qui nous vient du besoin d'avoir de l'importance dans un petit groupe dominidé parce que ça favorise aussi la survie, et qui, confronté à l'offre pléthorique de statut social virtuel avec les réseaux sociaux, permet de nourrir ce besoin en boucle. Et comme ce besoin, une fois de plus, n'a jamais été prévu pour s'autolimiter, eh bien, il se nourrit des réseaux sociaux, il se nourrit des signes extérieurs de statut social depuis l'essor de la civilisation industrielle avec l'automobile, hein, par exemple, qui a été un grand vecteur de statut social et qui aujourd'hui nous emmène dans le mur parce que c'est extrêmement énergivore, parce que c'est consommateur de ressources naturelles et qu'on pille la planète à cause de ça, parce qu'on ne sait pas s'arrêter. Donc on est totalement, finalement, emporté par des mécanismes qui nous échappent, parce qu'ils nous viennent du fond des âges, qui font partie de la constitution du noyau de notre cerveau. C'est ça qui nous donne vraiment l'élan d'aller toujours plus loin, c'est cette recherche de dopamine et de plaisir, et ça, on ne la maîtrise pas. D'un point de vue biologique, c'est certain, l'évolution n'est pas prédictible. Imaginez qu'on peut dire comment l'homme sera dans 100 000 ans, parce qu'il ferait plus chaud, plus froid, parce qu'on utiliserait plus nos pouces, parce qu'on regarderait plus la télé. Antoine Balzo, paléo-anthropologue. C'est impossible. On n'a aucune idée de quelles adaptations peuvent arriver. Et contrairement à ce qu'on dit parfois, on va pas se transformer parce qu'on utilise moins nos pieds, qu'on mâche de la nourriture plus molle ou qu'on se sert beaucoup de nos smartphones. Ce n'est pas de l'évolution, ça, c'est pas de l'adaptation, c'est même pas de la micro-évolution. Donc il y aura pas de transformation liée à ça. Donc l'humanité, on peut pas savoir ce qu'est biologiquement elle va faire. Par contre, on a une autre responsabilité quand même à avoir, c'est que l'humanité d'aujourd'hui, on a ce caractère unique d'être la seule espèce vivante à étudier les autres et à nous questionner sur nous-mêmes. Et puis on est aussi la seule espèce humaine à avoir créé, par contre, quelque chose qui nous différencie de tous les autres. Avant, il y a eu des outils, avant, il y a eu des comportements complexes, il y a eu le langage, il y a eu plein de choses, il y a eu des hommes aussi intelligents que nous, très probablement. Par contre, ce qu'on a su créer, nous, c'est l'enregistrement de l'information. Et vraiment, le progrès le plus important qu'on a depuis le néolithique, depuis l'écriture, depuis le livre, depuis l'informatique, c'est ce stockage de la donnée. Et je crois qu'aujourd'hui, on a accès, comme on n'a jamais eu, accès à la connaissance. Chacun d'entre nous peut essayer de se renseigner sur n'importe quel sujet. Le biais inverse s'observe aussi un petit peu, une tendance à penser qu'on sait tout parce qu'on a eu un tout petit peu d'informations. Et justement, j'espère que l'homme du futur va se rendre compte que nous avons ce potentiel-là, de comprendre les choses. Alors, le but, c'est pas de tous tout maîtriser, mais si on fait tous l'effort de se renseigner et de voir les limites de nos connaissances, peut-être qu'on arrivera à mieux travailler ensemble et à se rendre compte, par exemple, qu'il est temps d'essayer de protéger un peu plus notre environnement. Evelyne Heyer, paléogénéticienne. Alors l'humain, comme toute espèce, on évolue. Déjà, chaque être humain est porteur de nouvelles mutations que portaient pas ses parents. Et les mutations, c'est le moteur de l'évolution. Après ça, il y a le filtre de ce qu'on appelle la sélection naturelle. Alors la sélection naturelle, elle a beaucoup changé depuis au moins 200 ans, en tous les cas en Europe. Faut vous rappeler, il y a 200 ans, seulement la moitié des enfants atteignaient l'âge de 15 ans. Alors que maintenant, quasiment tous les enfants survivent jusqu'à 15 ans. Donc on a moins de sélection pour la survie, en tous les cas en Europe, mais on a toujours de la sélection pour la reproduction. Tout le monde ne se reproduit pas, tout le monde n'a pas le même nombre d'enfants, donc on a de la sélection aussi pour la fertilité. Donc on évolue encore par sélection naturelle, mais de manière différente. Mais l'évolution ne se résume pas à l'évolution par sélection naturelle. L'arrivée de nouvelles mutations qui peuvent après disparaître ou par hasard se répandre dans une population, ça aussi c'est de l'évolution. Maintenant, le grand public, quand on parle d'évolution, il a envie de voir des changements. Est-ce qu'on va avoir un sixième doigt, des oreilles pointues, etc. Alors ça, par contre, ça prend beaucoup plus de temps. On voit que les changements, entre guillemets, morphologiques, par exemple, si on compare Néandertal et Sapiens, qui sont vraiment différents morphologiquement, ça a pris quand même 600 à 700 000 ans. Donc, il y aura certainement des changements morphologiques à venir, mais ils vont prendre beaucoup de temps. Et on ne sait pas, a priori, dans quel sens ils vont aller. Pour un biologiste, l'évolution est totalement inconsciente, puisque c'est un mécanisme de diversification génétique qui a ensuite passé au filtre d'une sélection par les conditions de vie, par la sélection des plus aptes ou par la sélection des plus aptes à se reproduire ou par la sélection des plus aptes à coopérer. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui s'exerce totalement en marge de la conscience humaine. De toute façon, on n'a jamais eu conscience de l'évolution des êtres vivants avant Darwin. Ces choses-là ont toujours eu cours, se sont toujours déployées, et ce sont des mécanismes qui œuvrent à un niveau à la fois moléculaire, à la fois à un niveau macroscopique dans les écosystèmes, et dans lesquels n'intervient aucune conscience. La conscience, c'est un produit du cerveau humain, d'accord ? Les mécanismes de l'évolution, ce sont des mécanismes biologiques, biochimiques, moléculaires, dans lesquels n'entre aucune espèce de conscience. Moi, mon point de vue, c'est qu'on n'a jamais vraiment choisi. À la fois, l'humain maîtrise son évolution. Mathieu Babelé. Justement, dans tout ce que technologiquement il peut faire et qui est encore aujourd'hui. Enfin, que ce soit les études sur les cellules souches et essayer de repousser les limites de la mort, tout ce qui se passe en termes, justement, de transhumanisme, essayer de redonner la vue aux personnes qui sont malvoyantes, de redonner l'ouïe à celles qui sont malentendantes, etc. Il maîtrise son évolution et il peut aller très très loin jusqu'à l'eugénisme. Donc voilà, là il est en pleine maîtrise finalement de son évolution et pour le coup on rejoindrait toutes les prédictions justement de romans de science-fiction ou de films. Enfin, je pense à Bienvenue à Gattaca par exemple, enfin qui est un peu l'exemple ultime de sélection des enfants par leur gène. Mais de toute façon, tout ça, pour moi, va être stoppé net par l'urgence écologique et puis par tout ce qui va s'en suivre, par les crises politiques et économiques. Donc c'est bien beau, mais pour moi, ce contrôle-là, finalement, il va être complètement oblitéré par la perte de contrôle, justement, simplement du monde, de manière générale. Et là, pour le coup, ça, c'est des décisions... Enfin, on a perdu le contrôle il y a déjà des années, quoi. Enfin, je pense au rapport Meadows dans les années 70 qui disait, bon, il faudrait peut-être faire attention, quoi, et qu'on n'a pas suivi. Donc on est plutôt dans une espèce de course en avant jusqu'à ce que le mur nous arrête, quoi. L'évolution biologique de l'humain, pendant un temps, a été concomitante de son évolution intellectuelle, puisque ce qui est bien fait le succès de l'humanité, c'est ce développement cérébral incroyable. Vous prenez la surface du cortex cérébral, de l'écorce cérébrale humaine, Si vous déployez la partie superficielle de votre cerveau sur une table, ça prendrait toute la table et même plus. C'est 1 mètre carré, c'est quelque chose d'énorme. Mais c'est comprimé, c'est froissé, c'est pour ça que c'est froissé. Ça s'est énormément développé chez Homo sapiens, on va dire, depuis 200 000 ans. Et c'est ça qui a fait de nous les maîtres du monde. Donc pendant un moment, c'est vraiment une évolution biologique et une sélection génétique aussi qui a fait de nous des êtres de plus en plus performants intellectuellement. Mais il y a eu un point de bascule quand même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est reposé de plus en plus sur la technologie pour satisfaire nos besoins de survie, on a laissé de côté une dimension de l'homme qui est tout aussi importante, qui est la dimension de la conscience. Il y a que le cortex cérébral, certes, il fait de l'intelligence instrumentale pour se doter d'outils toujours plus perfectionnés, une espèce d'efficacité pragmatique sur le réel, mais il a une autre fonction qui est de produire de la conscience, la capacité qu'on a à la fois à savoir ce qu'on fait là, à réfléchir à notre propre destinée, à apprécier aussi ce qu'on a. Et cette conscience qui nous vient aussi de notre cortex cérébral, à l'heure aujourd'hui et à l'ère de l'efficacité, du rendement, de l'instrumentalisation des existences, est complètement laissée de côté. Et puis, il y a une partie particulière du cerveau, moi qui me passionne, qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, cette partie de notre cerveau qui s'est développée aussi au cours de centaines de milliers d'années, pour nous rendre sensibles à ce qui donne sens à l'existence individuelle, au rapport avec les autres, et aussi à ce qui fait sens dans l'univers. Notre capacité à décrypter en fait le monde, à voir qui possède des règles, et essayer de le comprendre. Ça nous nourrit de l'intérieur, parce que ça parle à cette partie de notre cerveau, et cette partie de notre cerveau a été complètement aussi laissée à l'abandon, depuis que la civilisation industrielle a décidé que l'objectif, c'était le confort matériel. Quand on a abandonné cette partie de nous, cette partie spirituelle, on peut le dire aussi, là, à ce moment-là, l'évolution, on va dire, que ce soit cognitive ou spirituelle, intellectuelle, il faudrait faire un mélange de tout ça, me semble pas forcément sur une phase ascendante. Là, on est peut-être dans une phase de régression de nos capacités cognitives, intellectuelles et spirituelles, alors que l'évolution biologique, elle, nous aurait porté à aller plus loin. Nom latin. Homo stellaris. Nom d'usage. Homme des étoiles. Période de vie en années. Bon, on est sur du 2500 par là. Après notre ère, oui, bien sûr. Ouais. Date d'extinction. Eh ben écoute, il nous succède, donc il n'est pas encore éteint, c'est dans un futur lointain, et peut-être que lui, il ne s'autodétruit pas à la fin de l'histoire. Taille moyenne. 3 mètres. Taille du cerveau. À peu près 2 fois plus qu'un cerveau humain, mais alors j'ai pas la taille d'un cerveau humain. Répartition géographique. Titan, satellite de Saturne. Particularité. Masse osseuse plus dense que l'humain. Parce que le but, c'est qu'il puisse vivre, et d'où sa taille aussi, qu'il puisse vivre sur Titan, qui a une gravité moins importante que celle de la Terre. Et voilà, il est gris, de couleur de peau. Et à l'époque où on le laisse dans Shangri-La, il a tous les atours des aborigènes d'Australie en termes de culture, d'art, etc. Alors, Homo stellaris, donc, qui est la nouvelle espèce créée par les humains dans Shangri-La, ma bande dessinée, en fait, est un peu l'aboutissement, justement, de tout le savoir technologique et scientifique que les humains ont mis dans un projet final, celui qui allait leur permettre de remplacer Dieu en étant eux-mêmes créateurs de vie. Le but, ça aurait été que les humains guident le peuple Homo stellaris, qui se développe comme nous, on s'est développé au début de l'ère de l'Homo sapiens, pour... finalement pas répéter les mêmes erreurs et essayer de les aiguiller de la meilleure manière possible. Du coup, ça veut dire que l'homme s'empare de son évolution, mais pas avec sa propre espèce, avec une espèce qu'il a créée. Oui. Alors parce que Shangri-La, comme la plupart de mes œuvres, est un petit peu cynique et effectivement, il part du constat que ça a foiré avec l'Homo sapiens. Recommençons de zéro pour essayer de gommer les erreurs et effectivement et surtout avoir une mainmise sur la destinée de tous ces Homo stellaris qui serait totale. L'enjeu pour retrouver un sens à notre existence collective et à notre avenir, c'est de reforger, alors on parle de récit souvent, mais une vision du monde. Moi, je pense que c'est beaucoup plus important en termes philosophiques de parler des visions du monde, c'est dire comment, quelles sont nos grilles de lecture du monde. Aujourd'hui, on a des outils. Par exemple, on a les connaissances scientifiques dont on dispose sur les origines de l'homme, sur l'origine de l'univers, sur la façon dont fonctionnent les écosystèmes, sur l'origine des menaces globales qui pèsent sur nous, à travers l'effet de serre, par exemple. Ça, ce sont des ingrédients d'une nouvelle vision du monde qui peut être construite, comme l'ont été par le passé des religions, mais des religions qui ont un pouvoir unifiant, non pas forcément par un lien avec une entité transcendante, mais par la capacité de relier, religuer les individus entre eux. Si on se dote d'une vision du monde, même d'inspiration scientifique, mais qui est correctement diffusée, partagée, et qui crée un consensus sur la grille de lecture qu'on a du monde, à ce moment-là, on a une vision du monde partagée qui apaise notre besoin de sens et qui nous donne le sentiment d'aller dans une direction commune. Et il faut ajouter à ça des valeurs morales, parce que cette partie de notre cerveau qui veut du sens fonctionne avec des valeurs morales. Ça, c'est un autre aspect de nos existences qu'on a complètement mis au rebut, parce que la matérialité pure n'avait pas à s'encombrer de morale. Mais la partie du cerveau qui veut un sens, qui veut se projeter dans l'avenir, a besoin aussi de se poser la question du chantier des valeurs morales. Nous savons d'où nous venons, nous savons aussi où nous allons si nous continuons comme ça, mais nous continuons à ne pas faire ce qu'il faut. Moi, je vois ça comme le résultat d'un défaut de fonctionnement dans notre cerveau. C'est-à-dire que vous avez une partie de notre cerveau qui est tout à fait capable de faire des projections climatiques, d'anticiper des catastrophes, qui voit les choses. C'est un peu comme Cassandre, hein, qui voit l'avenir, la catastrophe qui arrive, mais Cassandre, on ne l'écoute pas. Eh bien, la partie de notre cerveau qui agit, celle qui désire, celle qui tient les rênes de la décision, c'est le striatum, eh bien lui, il n'écoute pas Cassandre, il n'écoute pas le cortex. Lui, il voit que ce qui va lui apporter un bénéfice instantané ou à court terme. C'est comme ça qu'il a été programmé. Quand vous étiez face à une carcasse d'animal au paléolithique, si vous posiez la question « est-ce que j'attends avant de la manger ?», ben vous, c'était terminé pour vous. Non, on est programmé pour faire ce qu'il faut dans l'instant. Donc le striatum n'écoute pas le cortex. Et je crois qu'il y a un grand enjeu pour notre avenir, pour accomplir notre humanité, c'est de recréer une forme de lien et d'harmonie entre différentes parties de notre cerveau qui ne se parlent pas. Mathieu Bablet, pourquoi vous êtes-vous emparé de l'intelligence artificielle pour parler du futur de l'humanité ? Alors, je me suis emparé de l'intelligence artificielle dans mon œuvre Carbone et Silicium, parce que pour moi, c'est un sujet qui se conjugue au présent, c'est-à-dire aujourd'hui, qui est un peu prédominant dans nos vies, qui a infiltré un peu notre quotidien avec les chatbots, avec la reconnaissance faciale des caméras, avec Siri, Alexia et toute autre voix à qui on parle et à qui on demande des choses. C'est vrai que autant il y a quelques années, c'était un peu un fantasme, l'intelligence artificielle, c'était les robots, c'était Terminator. Autant aujourd'hui, on se rend compte que ça prend une voie qui est assez différente de celle qu'on avait imaginée. Et donc, en tant qu'auteur de science-fiction, c'est assez passionnant justement de se plonger dans ces problématiques-là pour en dégager les problématiques futures qui vont être très différentes de robots qui vont dominer le monde, mais plutôt de probablement d'intelligence artificielle qui vont nous suppléer, qui vont peut-être être nos confidents, qui vont peut-être nous permettre, parce que c'était le dernier truc là qu'on a vu avec Microsoft, nous permettre de communiquer avec des personnes défuntes. Enfin voilà, le champ est très très vaste. Il s'appuie plus d'ailleurs, je pense, sur un champ sociologique que sur un champ technologique. Et voilà, c'est assez passionnant de défricher ces questions-là. Pour vous, l'intelligence artificielle, vous pensez que c'est plutôt un danger pour l'humain ou une opportunité ? Là, immédiatement, un danger qui va nous déconnecter du réel. Moi, ce que je vois, c'est qu'on va faire des assistants vocaux qui vont devenir nos amis, qui vont devenir nos confidents, qui vont devenir les personnes idéales, c'est-à-dire celles qui nous contrediront pas, à qui on pourra tout dire, avec lesquelles on sera pas jugé. Et finalement, pourquoi être dans le conflit? Enfin, par exemple, à l'échelle d'Internet, tout est conflit, sur les réseaux sociaux, tout est conflit. Alors que là, l'intelligence artificielle, ça pourrait être une interface synthétique qui reprendrait, en picorant un peu nos données personnelles qu'on lâche sur le net, qui reprendrait nos goûts, nos convictions, etc., pour les digérer, de telle sorte que, on serait toujours confronté que à quelqu'un qui est d'accord avec nous. Ce qui, en fait, à l'échelle d'Internet et des réseaux sociaux, pardon, existe déjà. C'est-à-dire que on vit tous dans notre propre bulle. On ne côtoie que les gens quasiment qui nous ressemblent, qui sont d'accord avec nous, de telle sorte que on est toujours conforté dans ce qu'on pense. C'est pour ça d'ailleurs que le complotisme sur les réseaux sociaux marche autant. C'est parce que les gens voient pas les articles que les non-complotistes voient, ne voient pas les données qui pourraient les faire changer d'avis, ils voient que celles qui confortent leurs idées. Et de la même manière, l'intelligence artificielle, les algorithmes qui déjà nous poussent à toujours être dans notre bulle, pour moi vont se développer à l'extrême là-dedans, de telle sorte que on n'aura plus que eux comme interlocuteur, et peu à peu, on va se déconnecter du réel, on va se déconnecter du vivant, on va se déconnecter de la confrontation et de la difficulté de faire société parce qu'on n'aura pas envie, quoi. Ça sera contraignant par rapport à ce que peut nous apporter une interface numérique. On n'est pas tous identiques, on n'a pas tous le même fonctionnement cérébral. Il y a des personnes, et on en connaît, qui sont pas forcément toujours attirées par le plaisir immédiat, qui vont placer leur satisfaction dans le fait d'acheter une nouvelle voiture, un nouveau téléphone, de voyager à l'autre bout de la planète en low cost, et qui vont plutôt être capables justement de développer une forme de sobriété, d'être capables d'attendre avant d'avoir du plaisir, par exemple. Ça, c'est lié à la variabilité des individus. Alors, d'une part, il y a une variabilité génétique de ce système de récompense. Il y a des personnes qui ont un système de récompense naturellement plus avide. Mais il y a aussi des facteurs éducationnels essentiels. Par exemple, la capacité à ne pas se jeter sur une sucrerie ou un jeu vidéo chez des enfants. Ça dépend énormément de l'éducation que vous avez reçue. Dans certaines familles, vous avez des enfants qu'on amène par une forme de frustration, de contrainte, dire non, tu ne joueras pas à ta PlayStation tout de suite en rentrant de l'école, et puis tu goûteras au moment opportun, et donc l'enfant attend, il muscle cette partie de son cerveau qui est capable de museler un peu son striatum. Et ce qu'on s'aperçoit, et c'est très très intéressant, c'est à souligner, c'est que si on suit ces enfants sur des décennies, on s'aperçoit qu'après ils sont beaucoup plus heureux, parce qu'ils ne sont pas esclaves de leur pulsion, qu'ils sont capables de prendre du recul par rapport à leur propre désir. Et ces gens-là savent ensuite comment construire leur bonheur. Le bonheur, c'est une construction, c'est pas juste une impulsion de l'instant. Il y a un autre aspect qui est très important, c'est qu'il y a l'altruisme aussi. C'est vrai, vous parliez de Mère Teresa. Moi, ça m'a frappé quand j'écrivais ce livre. Je me disais, le striatum, il nous pousse à rechercher des stimulations comme de la nourriture, du sexe, de la domination. Mais Mère Teresa, elle avait un striatum. Donc, comment il fonctionnait, son striatum? Eh ben, il lui donnait de la dopamine, certainement, quand elle se comportait de façon altruiste. Si je dis certainement, c'est parce qu'on le voit aujourd'hui grâce à des expériences d'imagerie cérébrale, où on demande à des gens, par exemple, leur donne une somme d'argent, leur dit, soit vous gardez l'argent pour vous, soit vous le partagez avec un inconnu. Et il y a une partie des gens qui décident délibérément de partager. Et chez ces gens-là, il y a la libération de dopamine et de plaisir dans le striatum. Donc c'est un plaisir, c'est pas juste se faire mal par une espèce de sacrifice altruiste, doloriste, non, c'est pas ça. Alors, c'est en majorité chez les femmes. Et là, la réponse, elle est fabuleuse, parce qu'on s'aperçoit que c'est lié à un conditionnement sociologique. C'est-à-dire que dans beaucoup de sociétés, la plupart encore, qui sont des sociétés patriarcales, les petites filles, dès leur plus tendre enfance, on les valorise à l'école, en famille, partout, quand elles se comportent de façon altruiste, douce, avec la sollicitude. On leur dit « c'est bien, t'as partagé ». Et donc on leur donne du statut social à ce moment-là, par cette norme d'altruisme. Or, le striatum, il veut du statut social. Alors que chez beaucoup de gens, malheureusement, encore beaucoup de garçons, on va les valoriser quand ils ne sont pas laissés marcher sur les pieds. Et on retrouve, c'est là qui fait que le monde est difficile à changer aujourd'hui, avec un monde qui est grandement quand même entre les mains d'individus qui ont été formatés comme ça, qui sont la plupart du temps des décisionnaires et des gouvernants masculins, et qui vont avoir de la dopamine en ayant du pouvoir personnel. Si on n'arrive pas aujourd'hui à changer totalement nos modes de production et de consommation, c'est à cause de cette situation où on est, et qu'on appelle parfois le dilemme du prisonnier, c'est-à-dire que vous avez plusieurs entités, plusieurs États par exemple, plusieurs groupements d'intérêts économiques qui se retrouvent à se dire il faut tous qu'on réduise par exemple notre niveau de production et de consommation, mais il faut qu'on le fasse ensemble, parce que sinon, mais qui commence? Celui qui commence, il baisse la garde, il produit moins, il fait moins de chiffre d'affaires, il perd des parts de marché, il est éliminé de la course à la concurrence. Donc à ce moment-là, on se regarde en chien de faïence, et c'est ce qui passe dans les grands sommets internationaux sur le climat. Tout le monde rentre sans avoir rien fait avancer parce que personne n'ose baisser la garde le premier. Et ce dilemme du prisonnier, c'est ça qui nous bloque aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut pouvoir être dans une relation de confiance, s'accorder sur les mêmes principes d'action, pour que tous ensemble, les différents États, les différentes multinationales, décident d'une action concertée. On est face vraiment au défi de la concertation. Depuis 200 ans, on a dépassé la durabilité. Yves Coppens. Le développement n'est plus durable, parce que le développement de l'humanité en effectif et le développement de l'humanité en technologie et le développement de l'humanité en pollution a fait qu'on n'a pas pris conscience qu'on avait dépassé les limites. Donc tous les mouvements actuels d'écologie sont tout à fait respectables. Et je crois que tout ce qu'ils font, qui n'est pas suffisant, mais tout ce qu'ils font, va dans le meilleur sens. Moi, mon idée serait celle-là, c'est-à-dire continuons dans le sens qu'ils préconisent, mais donnons par pitié, donnons des sous, donnons de l'argent, donnons des moyens à la science, parce que la science peut trouver d'autres moyens de s'en sortir, la science peut trouver d'autres technologies, la science peut trouver d'autres énergies, mais la science, aider la science trouvera des choses. Vous savez, c'est un des trois éléments de mon début, là. La science, l'art et la compassion. Heart untethered, I was chosen to be a victim without knowing. You see beyond all my doubts. All I'm hiding, you bring it out. I lose myself to your control. When you touch me, I'm almost human. Depuis Lucie, l'humain de demain. Avec Yves Coppens, Luc Julia, Mathieu Bablet, Jean-Paul Demoule, Dominique Folscheid, Marc Ugnadi, Sébastien Boller, Antoine Balzo, Evelyne Eyer. Extrait des films Gattaca, Blade Runner 2049 et Terminator. Archivina, Sandra Escamez. Recherche musicale, Antoine Villoz. Avec la voix d'Agnès Roux, merci à Julie de Charlemagne Toulon et au Musée de l'Homme. Prise de son, Georges Thau. Mixage, Claude Nior. Coordination, Perrine Kervran, Marie-Vonna Bolivier. Réalisation, Assia Khalid. Un documentaire de Franck Bessière. Chasseuse, cueilleur, tailleuse de pierre, humanoïde ou femme augmentée, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter en rêvant au futur, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Et pour nous écouter quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous suivre, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous irons prendre le pouls de la psychiatrie.